Bismillahir Rahmanir Rahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter Durusul Madina, Al-Juzuthani, les cours de Médine, tome 2, une suite de cours donnée par le frère Khalil Al-Martiniki, Hafidhullahu Ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith Salafiyyat Bidammaj, au Yémen. Cours numéro 27, deuxième partie. Nous demandons à Allah Subhanahu Wa Ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه تبعهم بإحسان يوم الدين أما بعد. شلون بنسوي؟ dans je fais le journaliste. On ne t'en fait. Inch'Allah. Nous sommes toujours en ce qui concerne al-fi'l al-ajwaf. Voyez, celui dont le ayn c'est un harf illa ou un alif ou un waw ou un ya. Nous, dans le dernier cours, on a pris quoi? Celui dont la... Celui dont la... Aïn devient un waou ou boudaré. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va clôturer avec celui dont le Aïn devient un ya ou un alif. Donc on poursuit avec al-fi'l ba'a, qui veut dire vendre. Il dit ta'amel mayali hamidun ba'a rijal ba'u. Donc là il n'y a rien, il reste sur sa base, toujours au mandi, hein, le mandi. Aminatu ba'at an-nisa'u bi'ana. Là il y a un changement à cause de quoi? Bi'ana. Il y a un changement à cause de quoi? Pourquoi le alif est tombé? Tu crois ça qu'il est enceinte? Et là on dit bi'ana parce qu'au bout d'un lire, le ya devient un ya. Le alif à fond devient un ya. Le alif devient un ya, donc on dit bi'ana. Anta bi'ata. Antum bi'atum. Anti bi'ati. Antunna bi'atunna. Ana bi'atu. Wanahnu bi'ana. Quand je te dis Anna bientôt, à la Ewaz, sur quelle mesure il est? Anna bientôt. Hein? Là. Filou. Anna au filto, à fond. Anna filto. C'est le Aïn qui est tombé. Anna filto. Ça y est, Bidi. Ça c'est Achar. Asni Dja. Wassara. Il est dans ma hier comme un. Kama Fitamarin et Sabia. Donc là tu fais pareil avec Ja'a wa Sara. Et les deux, c'est une kasra qui prennent lorsqu'ils sont lorsque tu fais tomber la aïe. Tfaddal. Ma Hamid, wa Rjal, wa Ba'u, wa Amina. Moi c'est tout. Je te tiens. Hamidun Ja'a. Ar-Rijal Ja'u. Aminatu Ja'at. An-Nisa'u. جئنا نعم أنت جئت أنتم جئتم أنت جئت أنتن جئتن أنا جئت نحن جئنا نعم مع سارة سارة كيف بدي عليه parcourir avancer كيف تقول نفس الشيء حامد سارة الرجال ساروا آمنة سارت النساء سرنا أنت سرت أنتم سرتم أنت سرتي أنتن سرتن أنا سرت نحن سرنا أحسنت طيب عشرون يقول إكرام يالي هذه تشبالية إن شاء الله لفاز حاول الترجمة غاب زميلي يوما وأنا غبت يومين يعني mon camarade s'est absenté un jour نعم. Et moi je me suis absenté deux jours نعم. متى جئت إلى الجامعة J'étais fi dil qa'dati. Yani quand est-ce que tu es venu de la ala. Hein? Ala. Tu m'as dit quoi, je comprends pas du tout. Ala. Ala j'ai enfin, à l'université quoi. À l'université n'am? Non. Je suis venu au mois du comment on va traduire? Dhul Qa'dah, il y a pas de traduction. Thalitha. بكم بعت سيارتك يا عمرو بعتها بثمانية آلاف ريال Combien as-tu vendu ta voiture au Amr? Je l'ai vendue à 8000. 8000 riyal. عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وبمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم النبي a vécu يعني à Mecca à Medina. أنا ما جئت بالكتاب اليوم يا أستاذ يعني je ne suis pas venu avec le livre aujourd'hui au professeur. Sirna kilometrain. Et nous avons franchi, passé un. C'est quoi? Parcouru. Non. Hein? 2 kilomètres. Non. Aja'at at-talibatu. Naam. Jitna qabla qalil. Et ils sont-elles venues, les étudiantes? Naam. Elles sont venues. Il y a peu de temps. Il y a peu de temps. Pas mal. Donc maintenant, on va voir. On reste toujours avec Ba'a. Vous voyez, mais maintenant on va le voir au Moudadir, au présent. Donc il dit, Ta'amel Mayali, Hamidun Yabi'u. Yab Yabi'u. Donc là, le Aïn, c'est-à-dire le Alif Mardi, il est devenu Aya. Yabi'u, à la Wazn, Esh, Yafi'lu. Yab Yafi'lu. Un Rijel, Yabi'una. Donc là, il n'y a rien. Aminatu, Tabi'u. Un Nisa, Yabi'ana. Et là, le ya est enlevé. Pourquoi? Tiko sakinay avec le aïn. Anta tabi'u. Antum tabi'una. Anti tabi'ina. Antunna tabi'ana. Donc là, pareil, le ya est tombé à cause du aïn qui est avec le sukun. Ana abir. Nahnu nabir. Tayeb. Sanya Ashrun. Il dit Asnid yasiru. Wa ya'ishu ila al-damayr kama fi al-tamarin as-sabiqa. Donc yasiru c'est sara, c'est le pareil, parcourir. Wa ya'ishu c'est aasha, c'est vivre. Tfaddal. Amidu yasiru, ar-rijalu yasirun, aminatu tasiru, an-nisa tasirna, anta tasiru, antum tasiruna, antum tasirina, antunna tasirna, ana asiru, nahnu nasiru. والان ما عاش يعيش حامد يعيش الرجال يعيشون آمنة تعيش النساء تعيشن تعيشن يعيشن نعم انت تعيش انتم تعيشون انت تعيشين انتن تعيشن انا اعيش نحن نعيش احسنت طيب لا ما بيجي هذا مريض ان شاء الله جزاك الله خير لكن اذا تكلمت اخبرنا إذا تكلمت سأل بسم الله بسم الله تخبرنا إذا كلام طيب ثالث وعشرون إكرام يالي راسي باري تولي لفرد إن شاء الله وتحاولوا ترجمة منصة بك دي باري كل دي مدارية تفضل يبيع البقال والسكر والملح والزيت والبيض والجبن. يعني l'épicier ils vendent du sucre, du sel, de l'huile, يعني des œufs, hein, du beurre et du fromage. أحسنت. Ah ouais, j'ai pas vu ça. والدقيق والعدس وما إلى ذلك. Et de la farine et lentilles. Des lentilles, ouais, man. Tout ce qui va. Qu'est-ce qui ressemble? Merci de suite. Thaniel. Ya'ishu al-asadu fil ghaba. Yani le lion. Le lion vit dans la forêt. Ouais. Mais je crois que c'est. Ghaba, en fait, ça peut être la forêt, la jungle. Mais là, c'est la savane, tu vois. Il faut aller dans la savane, hein. Ouais, parce qu'il n'y a pas de loup dans les forêts. Enfin, à notre époque. Ouais, non. Thalithan. Mata yadi ul mudiru. Il a dit ou fissa. Et quand est-ce qu'il vient le moudir, le directeur? Il vient dans une heure. Là. Hein? Sabi'a, non, 7 heures plutôt. Il vient à 7 heures. Fissa. Aturidu an tabi'a siyarataka ya ustad. Veux-tu vendre ta voiture au professeur?

آمنة تخاف البنات تخفنا أنت تخاف أنتم تخافون أنت تخافين أنتن تخفنا أنا أخاف نحن نخاف حامد حامد يشاء البنات يشاء الأولاد ها مش أنا ما جسدي الأولاد يشاءون آمنة تشاء البنات ب ها البنات نعم البنات يا نعم يش يا يشأنا نعم يشأنا نعم يشأنا أنت تشاء أنتم تشاءون أنت تشائين أنتن تشأنا أنا أشاء نحن نشاء نعم يرجعد جاء يشاء يسون أجوف ويوسي محموز parce que محموز on a dit c'est quoi celui dont l'un de ses lettres c'est un Hamza يشاء c'est un Hamza à la fin et جاء pareil طيب واحد وثلاثون إكرام يالي تفضل لي إخاجي أخي الصغير ينام مبكرا أما أنا فأنام فأنام بعد منتصف الليلة يعني mon petit frère dort tôt hein, quant à moi je dors à minuit ثانيا متى تنامين يا خديجة؟ أنا في الساعة العاشرة والنصف. يعني كنت أسكو شو دور هو خديجة؟ Je dors à 10h30. نعم. أتنامون بعد الغداء يا إخوان؟ نعم ننام لمدة نصف ساعة. يعني dormez-vous après le déjeuner? Après le déjeuner, les frères? Oui, nous dormons pour une durée. Pour une durée, Yanni, de 30 minutes. Une demi-heure, non. Alors bien. Ala takhafu Allah, ya rajul, bala akhafuhu. N'as-tu pas peur d'Allah, ô homme? Bien sûr, je le crains. J'ai peur de lui. J'ai peur de lui. Non. Qala talibul jadid lil mudarris, ayna ajlasu ya ustad? Hein? نعم جلس يجلس أين أجلس يا أستاذ؟ قال له المدرس اجلس حيث تشاء يعني le nouveau étudiant a dit au professeur où pourrais يعني où je m'assois au professeur le professeur lui a dit assieds-toi où tu veux la حيث c'est un ظرف مكان qui est dans le sens de أين ça se dit pas اجلس أين تشاء قال الله تعالى في القرآن الكريم لله الملك السماوات والأرض يخلق من يشاء يعني à lui appartient les cieux et la terre et la royauté des cieux et la terre la royauté des cieux et la terre et il crée ce qu'il veut نعم هو يخافوني يخافوني يعني lui il me craint. Il a peur de moi. Il a peur de moi, il me fera. La crainte, c'est plus khashiya. Il y a une différence entre la crainte et la peur, même en arabe. Vous voyez ? La crainte khashiya, c'est quoi ? C'est le khouf ma'a al-ilm, comme tu as dû le prendre. Oui, mais le français, peur, crainte, c'est des synonymes, il n'y a pas de différence. Crainte. Il l'aura, na'am. C'est pas spécifique. Snenu Aïssa wa thalathun. Ta'amel mayali. Maintenant, il va t'apprendre quoi ? Le majdoum et le ham. Il y a un amou, là il est marfou, il n'y a rien. Si tu rentres l'aim, ça va être quoi ? L'aim, il y a un aim. Cependant, on est tikan sakinein entre le alif et le mim, donc on dit l'aim, il y a un aim, sans alif. Après le ham, t'as un amou, donc l'origine de ham c'est naam. Et là, pareil, on a le tikan sakinein entre le alif et le mim. Donc on fait tomber l'alif, donc on dit nem. Voyez, anta, nem. Et avec le nahi, l'interdiction, tu dis tanaemu, ça c'est le marfour. Donc l'on veut dire ne dors pas. La tanaem. Ben là pareil, on a quoi ? Une rencontre entre le alif et le mim, avec une soukoun tous les deux. Donc on dira quoi ? La tanaem. Sans alif. Voyez. Maintenant,